Sainte Bible selon saint Jérôme, lecture du Cantique des Cantiques, chapitre 2e. Je suis la fleur des champs et le lys des vallées. Comme un lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes filles. Comme un pommier parmi les arbres des forêts, telle est mon bien-aimée parmi les jeunes hommes. Je me suis assise à l'ombre de celui que j'avais désiré, et son fruit est doux à ma bouche. Il m'a introduite dans le cellier à vin, il a réglé en moi l'amour. Soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des fruits, car je languis d'amour. Sa main gauche est sous ma tête et il m'embrasse de sa main droite. Je vous conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les cerfs des champs, ne troublez pas. N'éveillez pas la bien-aimée jusqu'à ce qu'elle même le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, qui vient bondissant sur les montagnes, franchissant les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle et au fond des biches. Le voici qui se tient derrière notre muraille, regardant par les fenêtres, observant à travers les treillis. Voilà mon bien-aimé qui me parle, lève-toi. Hâte-toi, mon ami, ma colombe, ma belle, et viens. Car l'hiver est déjà passé, la pluie a cessé et s'en est allée. Les fleurs ont paru sur notre terre. Le temps de tailler la vigne est venu. La voix de la tourterelle s'est fait entendre dans notre terre. Le figuier a poussé ses premiers fruits. Les vignes en fleurs ont répandu leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe. Toi qui te retires dans les creux de la pierre et dans les enfoncements de la muraille, montre-moi ton visage. Que ta voix résonne à mes oreilles, car ta voix est douce et ton visage est agréable. Prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car notre vigne est en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, et il paît parmi les lys. Jusqu'à ce que le jour se rafraîchisse et que les ombres se dissipent. Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à une gazelle et au fond des biches sur les montagnes de Béthar. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.